Si le temps passe et n'avance pas, s'il y a trop d'aigus dans ta voix, et si tes hommes ne reviennent pas, je serai là. Si tu hésitais sur ton choix, envie de me revoir ou pas, ou si tu pleures sans savoir pourquoi, je serai là. Il y a eu entre toi et moi, dans le conflit, dans le combat, tant de tendresse et tant d'éclat qui ne s'oublie pas. Je serai là pour au bout de tes peines te délivrer des chaînes en souvenir de toi. Je serai là à t'aimer quand je saigne de ces brûlures anciennes qui ne s'éteignent pas. Même si tu ne veux plus savoir, il n'y a jamais eu de hasard. Sache que jusqu'au dernier soir, je serai là. Tu as choisi, et c'est ton droit, que j'aille au diable vivre sans toi. L'enfer n'est pas ce que tu crois, ce que tu crois. Je serai là pour au bout de tes peines te délivrer des chaînes en souvenir de toi. Ces brûlures anciennes qui ne s'éteignent pas.